Hervé Gardette, ce matin, vous voulez nous parler de presse écrite et d'animateurs télé. La télévision n'a pas tué la presse écrite, du moins pas encore, mais elle ne l'avait jamais autant phagocytée. C'est la transition de ce matin. Alors vous vous êtes forcément demandé, Guillaume, en regardant Sophie Davant l'après-midi à la télévision, quels pouvaient bien être ses secrets, eh oui, pour avoir l'air aussi épanoui et équilibré. Eh bien, figurez-vous que l'animatrice d'Affaires conclues sur France 2 nous les livre, ses secrets, dans le dernier numéro de S, le magazine de Sophie Davant. Alors attention, spoiler, elle cultive la curiosité et bouge pour décompresser. Le mouvement, c'est d'ailleurs ce que préconise Michel Simès dans son propre bimestriel pour éviter le mal de dos et soigner sa pathologie la plus fréquente, la lombalgie. Le médecin animateur, devenu célèbre grâce au magazine de la santé sur France 5, prête lui aussi son visage, son nom et son expertise à une publication qui en est déjà à son 23e numéro, Michel Simès, Dr Good. Alors, si en matière d'intérieur, vous êtes davantage porté vers la décoration que vers le bien-être, et je vous suggère plutôt de vous abonner à Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, là encore un bimestriel, là encore un magazine porté par la notoriété d'un animateur télé, en l'occurrence l'agent immobilier le plus connu de France grâce à son émission Recherche appartement ou maison sur M6. Et il ne s'agit pas d'un épiphénomène. Stéphane Bern a déjà sorti 3 numéros de Mission Patrimoine. Le meilleur ami de la reine d'Angleterre y fait visiter les plus beaux châteaux et les plus belles demeures. Quant à Faustine Bollaert, qui occupe elle aussi les après-midi de la télé publique, elle lance ce vendredi un nouveau magazine Entre nous, le mag de Faustine Bollaert, dans lequel on apprend par exemple que l'hypersensibilité est une chance et que la seule chose qui intéresse Marc Lavoine, ce sont les autres. Alors les directeurs artistiques qui travaillent pour ces publications ont de la chance, ils n'ont pas à se creuser la tête pour savoir qui mettre en une et comment illustrer les pages intérieures. Sophie, Michel, Stéphane et Faustine sont les têtes de gondole de leur propre publication, je dirais même tête de gondole. Un peu comme les feuilles de chaux municipales d'autrefois, où le maire se débrouillait, vous vous souvenez, pour être sur toutes les pages. Alors si Kim Jong-un avait son propre journal, je ne suis pas sûr qu'on le verrait autant que nos amis animateurs dans le leur. La palme revient à Sophie Davant, qui, bien que directrice éditoriale de son magazine, apparaît page 113 sur une publicité pour, je cite, un bracelet en pierre véritable qui permet de garder ses 7 chakras en équilibre. Ah, mais c'est ça le bracelet que vous aviez la dernière fois, Hervé. Et ça fonctionne, puisque vous avez vu que je suis particulièrement épanoui en ce moment. 19,90€ quand même. Eh bien, allez savoir pourquoi, j'ai eu une pensée émue pour Daniel Gilbert. Les plus vieux se souviendront. Mais le meilleur, Guillaume, reste à venir. Le meilleur, évidemment, d'entre nous, c'est Patrick Sébastien. Désormais sur C8, l'animateur du plus grand cabaret du monde se lance à son tour dans une carrière à la Citizen Kane. « Je vous aime » va être tiré à 270 000 exemplaires pour son lancement courant juin. « Je » J-E-U-X, jeu de mots, car il s'agit d'un magazine consacré aux mots fléchés et aux mots croisés, dont certains, nous dit-on, ont été composés par Patrick en personne. Alors que les animateurs télé fassent vendre du papier n'est pas un phénomène nouveau en soi. Les magazines consacrés au petit écran ont longtemps trusté le classement des plus gros tirages, Télé 7 jours en tête. Ils continuent d'ailleurs à tirer les ventes vers le haut. Mais ici, on change de dimension. La multiplication de ces projets éditoriaux pousse la notion d'égotisme à un niveau rarement atteint. Il faut avoir une certaine estime de soi pour être l'objet principal d'un périodique. On peut certes y voir un hommage du petit écran à la presse magazine, un juste retournement des choses, à moins que ce soit avant tout le signe pour cette même presse d'un profond désarroi. J'ai ma petite idée.